Elle me dit que c'est ma lady, mais elle sait ce que je pense d'elle. Je crois que je suis dans l'offre, mon ami. Je la voulais pour toute ma vie, elle ressentait mes douleurs. On va pas ensemble à mon ami. Même pas si toi j'ai pas appris, tu m'en fais par toutes les couleurs. Mi amor pour la vie. Et si des fois j'ai mal agi, je faisais toi mon bonheur. Tu me plais trop, y'a pas de magie. Je pense à toi. Elle est de timide, mais elle me plaît avec ses talons. Si un jour tout va mal, mais je te dirai, vas-y, parlons. Pas trop la désolée, je m'occupe de mes frères au ballon. Je me demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ce que je ferais pas pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Elle devient loca. Je rigole, j'ai mis du jack d'un coca. Allez, les, je l'amène au resto à l'occas. Elle me plaît, faut pas que je fasse un faux pas. Allélé, je pense à toi. Moi, c'est toute ma vie. Oh, je veux que toi. C'est pire que ta magie. Oh, je pense à toi. Mon amour. Je veux que toi. Oui, je te l'avoue. Je pense à toi. Resto à l'occasion, elle me plaît, faut pas que je fasse un faux pas. Allélé, elle devient loca. Je rigole, j'ai mis du jackel dans le coca. Allélé, je l'amène au resto à l'occasion. Elle me plaît, faut pas que je fasse un faux pas. Allélé, pour moi, t'es tout.